je suis un peu du père. J'ai perdu du monde en guise de guide. J'ai peur de plaire au pire des démons, les qui se déguisent. Y'a plus de paix dans ce putain de monde qui se déguise. En peu de peine et pour du pèse, on plante des mots. À cause de qui ça cache des kills, on sort le peupon. J'étais en cours de deux, speed. Jamais à court d'idées, vite. Mais j'ai encore des dettes, vite. Et dans le corps des tailles, vite. Avec les couches d'été, kiff, on carclope et feuille, triste. À cette époque, c'est vie, on bat cloque et deuil, tri. Ma vie, avec Nicolas, Nicolas. Et quand je regarde derrière moi, je me dis que Nicolas n'est qu'un lâche, putain. Yeah. Sur l'autoroute de l'avenir, je ralentis, trop. Et quand ça parentise, mes deux parents flippent, oh. Et si j'ai l'air d'un type, trop. Je me sens anéanti, on est, on meurt, on kiffe, on pleure, mon frère, tu sais, on est utile. On a tous un truc en nous qui nous identifie. Pendant 10 piges, je me suis cherché, je sais maintenant ce qui me rend si triste. Pas de boussole, un peu perdu, ma carte est sale. Perdu entre marquer un but facile ou tenter l'homme. Perdu, j'ai ma libido qui me perturbe. Un peu du père, j'ai perdu du monde. Perdu trop d'interdits, un porte de test à ce petit dosor. Perdu comme un môme. Toujours pas trouvé le bon chemin. Je cherche ma route, j'ai pas de boussole, un peu perdu, ma carte est sale. J'avance tout seul, c'est dur, mais j'y vais car j'appelle mon cœur trop seul. Le temps passe vite, la vie défile, la chance petit plus tard on se capte. Et je profite pas, j'y vois que tu veux, comme l'aveugle au futuroscope. On a l'esprit tranquille, tant que la guerre est pas tout près de chez nous. De temps en temps ça tire, mais ici c'est pas la Tchétchénie. Je sais comment enchaîner, toujours pas trouvé le bon chemin. Faudrait un coup de génie, un espoir pour que ça soit mieux demain. Embarque-moi dans ton délire, je te suis si c'est un plan sûr. C'est pas pour quelques dollars que j'achèterai ma peau comme un panzer. Ouais j'assure, dis-moi je fais tout pour réussir. Un peu perdu, trop d'interdire, croire que nos destins sont tirés au sort. J'pense aux conséquences, je fais pas le fou, moi je vise pas le Guinness. Bah ouais on a qu'une vie, c'est pas un jeu, là y'a pas le bonus. Un peu du père, mais je vois plus loin que le bout de mon pilon. Je réponds quand même présent, je suis si le devoir m'appelle. Pas de boussole, un peu perdu, ma carte est sale. Perdu entre marquer un but facile ou tenter l'homme. Perdu, j'ai ma libido qui me perturbe. Un peu du père, j'ai perdu du monde. Perdu trop d'interdits, un porte de test à ce petit dosor. Perdu comme un môme. Toujours pas trouvé le bon chemin. Va vite, fais des passes au millimètre, tu rates le cadre. Tout échappe, tu cours en bicyclette derrière RS4. Mon futur, Magella, répond plus à mes appels. J'aimerais lui promettre que mes conneries j'arrêterai. Je suis perdu comme un môme face à mon dotis dans un mariage. J'hésiterai même entre survêt, casquette ou smoking. Au profit de rappeur, j'ai pas créé sur des mensonges. Un jour ou l'autre, j'arrêterai, je sortirai de ma dimension. Mes journées sont des photocopies en noir et blanc. Je peux te mentir en serrant dans mes bras, en bas, je croise des jambes. Je dis jamais je t'aime, je me force comme pour le job. Je suis perdu entre marquer un but facile ou tenter l'op. Check les potins de perdu 10 buts. Retrouver t'invitera à manger s'il aurait pu t'étouffer. Tourne en rond, cherchant l'adresse de la belle vie. Un peu perdu, je reste dans la course, même en bout de piste. Pas de boussole, un peu perdu, ma carte est sale. Perdu entre marquer un but facile ou tenter l'op. Perdu, j'ai ma libido qui me perturbe. Un peu du père, j'ai perdu du monde. Perdu trop d'interdits, un porte de test à ce petit dosor. Perdu comme un môme. Toujours pas trouvé le bon chemin. Je suis perdu, j'ai ma libido qui me perturbe. Dire non quand à la dalle devient hyper dur, je l'avoue, mais ce n'est pas irréalisable. En succombant, mon destin deviendra moins lisible. Est-ce vraiment cela dont réellement j'ai besoin? J'ai pas envie d'y penser, tiquer le dur le joint. Faut pas que je tombe dans ce bas de délire, c'est pas pour moi et puis je risque de ne pas tenir. Fais comme moi, cherche le positif avant qu'il t'échappe. Dis-moi comment fait-on pour se perdre quand on l'est déjà. Finalement je ne suis peut-être pas si mal loti. Sais-tu le type d'homme que je serais sans maladie? Aujourd'hui je vais péler les clés tentatrices foisonnent. Et ouais les mecs, l'infidélité empoisonne. Sous Big P, grâce au mental je suis moins dupé. Quand je vois le sourire de ma mère, je peux prendre l'exemple du P. Pas de boussole, un peu perdu, ma carte est sale. Perdu entre marquer un but facile ou tenter l'homme. Perdu, j'ai ma libido qui me perturbe. Un peu du père, j'ai perdu du monde. Perdu trop d'interdits, un porte de test à ce petit dosor. Perdu comme un môme. Toujours pas trouvé le bon chemin.